océan, une terre, un grain de poussière, une ville dans le firmament, seul dans cet univers. La question est posée, la réponse espérée. Qui a-t-il là-haut? Qui a-t-il là-haut? Oui, ça me teste. Non, c'est pas grand la SF. Longtemps, on nous a dit ça. Avant, c'était même ridicule. Maintenant, on cherche la vie ailleurs. Peut-être bien plus évolué. La question est posée, la réponse espérée. Viendront-ils un jour? Viendront-ils un jour? Oui, ça m'intéresse. Oh non, c'est pas que dans la SF. Oui, ça m'intéresse. Oh non, pas que dans la SF. Faire peur, non, même être effrayant. Oui, ça nous teste. Non,